plan A. Plan B. Tu restes par terre, t'agonises, qu'est-ce que tu fais là? Hombre, hombre, tu vas où avec ta chemise? Eh ouais, malade. T'es tombé, tombé, ils t'ont niqué la police. En plus, c'est banal. Faut mettre tout ponté, t'auras plus l'œil sur le pire. J'suis loin de mon ghetto. La prochaine fois on voit la piste séparée le soir. Ça crise.